Nous entamons maintenant la troisième partie de notre développement, consacrée à l'idée que les sociétés malades de leur passé doivent adopter un regard critique vis-à-vis de celui-ci. Premier point, le poids du passé peut rendre une société malade, malade de son propre passé. Donc on a vu que Renan nous disait que la mémoire collective était utile à la formation d'une collectivité. Cependant, ce souvenir partagé, ce souvenir notamment des gloires passées, mais aussi des souffrances passées, eh bien, il peut devenir pathologique. Une société peut se trouver hantée par le souvenir de crimes subis ou même de crimes commis. On peut penser au traumatisme infligé par le nazisme, au sein des sociétés occupées pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier au sein des peuples et des communautés qui ont été particulièrement victimes des crimes de guerre, hein, que ce soit les Juifs, les Tziganes, les Polonais, les Russes, mais aussi au sein de l'Allemagne elle-même, du fait d'un sentiment de culpabilité collective qui s'est transmis de génération en génération. Donc on en arrive à des formes de pathologie collective. Alors, comment faire face à ce phénomène de pathologie collective? Eh bien, il y a un auteur qui nous propose une solution, c'est Paul Ricoeur, qui défend l'idée d'un travail de mémoire collectif. Alors, cette notion de travail de mémoire, il l'emprunte à la psychanalyse, à Freud. Donc, pour rappel, pour Freud, toute une partie de notre psyché, notre esprit, demeure inconsciente la plupart du temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès à tous nos souvenirs, d'une certaine façon, certains sont, nous cachons certains de nos propres souvenirs. Mais notre inconscient influence néanmoins notre comportement et nos sentiments. Il arrive bien souvent que nous souffrions, que nous agissions de manière inappropriée, sans pouvoir en expliquer la raison, parce que c'est notre inconscient qui nous pousse à agir. Selon Freud, cela résulte du phénomène du refoulement. Nous avons sans doute vécu par le passé des événements traumatisants, qui nous ont profondément choqués, mais pour parvenir à les supporter, notre esprit les a en quelque sorte effacés. En tout cas, il les a effacés de notre conscience. Nous avons refoulé l'événement, nous ne nous en souvenons plus de façon volontaire, mais il reste bien ancré en nous, et il provoque des névroses, des pathologies psychiques. Et à partir de cela, Freud nous dit l'individu doit faire un retour sur lui-même pour retrouver dans son inconscient la cause de son mal-être. Alors, ce que nous dit Ricoeur à la suite de Freud, c'est qu'on peut transposer ce mécanisme au niveau d'une société. C'était pas Freud parlait, lui était au niveau de l'individu. Ricoeur nous dit que ce mécanisme, on peut l'appliquer à l'échelle de la collectivité. Donc lorsqu'une société a été affectée par une tragédie et qu'elle en garde le souvenir qui est transmis dans les familles de génération en génération, eh bien, il arrive que le traumatisme ne soit jamais expié. Les membres de la société ne parviennent pas à faire leur deuil, soit que les responsables ne reconnaissent pas leur faute, soit que les victimes n'arrivent pas à surmonter la souffrance qu'ils ont subie. On a fait semblant d'oublier le traumatisme pour continuer à vivre, mais le mal demeure. Voilà, après la guerre, les gens rentrent chez eux et on fait semblant d'oublier que notre voisin a dénoncé tel membre de notre famille ou qu'on sait que tel membre de notre famille a lui-même collaboré avec une action dramatique. Et donc, la société risque d'être affectée par une pathologie collective, ce qui pourra déboucher sur de nouveaux drames si les fautes ne sont pas expiées. Et le travail de mémoire est donc nécessaire au niveau collectif afin de dépasser les conflits hérités du passé et de ne plus laisser les non-dits derrière lesquels le ressentiment et la culpabilité grandissent. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a de nombreux pays dans lesquels des dispositifs ont été mis en place pour surmonter ça. Alors, c'est ce que la politologue Sandrine Lefranc appelle les politiques du pardon. Alors notamment, c'est toute la politique qui a été faite en Allemagne, notamment sous le mandat du chancelier Willy Brandt, de campagne d'aller s'excuser auprès des pays d'Europe de l'Est pour la conduite de l'armée allemande. C'est aussi un dispositif qui a été mis en place en Afrique du Sud afin de réconcilier les communautés après l'apartheid. Ça a été notamment lancé par le révérend Desmond Tutu, hein, qui a essayé de mettre en place des campagnes de réconciliation, hein, pour apaiser les haines encore vivaces. Parce que ce qu'on voit, c'est que quand ces haines encore vivaces ne sont pas apaisées par de tels dispositifs, eh bien, la mémoire risque de travailler les populations au point de les pousser à reproduire de nouvelles violences. Voilà, c'est par exemple ce qu'on a souvent dit, l'une des explications, parmi les nombreuses explications des guerres civiles dans les Balkans dans les années 90, eh bien, c'est qu'en fait, il y a eu toute une résurgence dans les années 90 des haines qui avaient déjà éclaté pendant la Seconde Guerre mondiale, quand certaines populations avaient collaboré avec les Allemands, tandis que d'autres avaient été victimes de l'occupation. Et donc, notamment, l'hostilité entre Croates et Serbes s'est nourrie de cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ricoeur et à sa suite, voilà, Sandrine Lefranc mettent en avant ces dispositifs qui visent à réconcilier les populations, notamment par un travail de mémoire collectif. Alors, qu'est-ce que ça pouvait dire ce travail de mémoire? Ça peut vouloir dire aussi tirer des leçons du passé, ça peut aussi signifier s'en libérer pour pouvoir mieux avancer. Quelqu'un qui défendra ça, c'est notamment Nietzsche. Pourquoi? Parce que pour Friedrich Nietzsche, il nous met en garde contre le danger d'une fascination excessive pour l'histoire. Hein, l'obsession pour le passé, elle peut nous empêcher de vivre au présent. Donc, c'est pourquoi, dans la seconde considération intempestive, Nietzsche va identifier plusieurs rapports à l'histoire, et il nous dit, lorsque certains rapports à l'histoire font ils peuvent être utiles à la vie ou ils peuvent devenir nuisibles. Et dans ce cas-là, il vaut mieux s'en détourner. Donc, les usages de l'histoire qu'il distingue, c'est d'abord, il y a une histoire monumentale. Qu'est-ce que c'est que l'histoire monumentale? C'est l'histoire qui va chercher des grands modèles dans le passé, qui va chercher des figures héroïques qui vont nous servir aujourd'hui à agir. Mais ce qu'il nous dit, c'est que cette forme d'histoire, elle peut devenir pathologique. Pourquoi elle peut devenir pathologique? Parce que c'est si nous commençons à regarder ce passé glorieux de telle sorte que nous finissions par penser que nous ne serons jamais à la hauteur de ces héros du passé, et que ça nous empêche d'avancer. Il distingue cela de l'histoire antiquaire. L'histoire antiquaire, c'est celle qui cherche à préserver au maximum ce qui est passé, à vénérer le passé de notre société, mais pareil. Ce rapport-là à l'histoire peut basculer dans une espèce de sacralisation du passé qui nous empêche de penser à l'avenir. Et c'est pourquoi Nietzsche valorise ce qu'il appelle l'histoire critique. L'histoire critique, c'est celle qui met l'histoire en procès, qui la passe au crible, et qui nous dit il faut juger ce qui, dans l'histoire, ce qui, dans le passé, peut nous être utile et ce dont nous pouvons nous passer, d'une certaine façon, ce que nous pouvons oublier pour nous libérer du passé et pour mieux vivre. Voilà, donc Nietzsche nous dit une histoire critique, c'est une histoire qui est utile à la vie, et une histoire utile à la vie, elle a besoin de s'appuyer aussi sur la force libératrice de l'oubli. En conclusion, on pourrait un petit peu, pour illustrer un peu le propos de Nietzsche, on peut faire référence à la nouvelle de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, excusez-moi pour la prononciation, qui dans sa nouvelle Funès ou la mémoire, imagine ainsi un homme doté d'une mémoire exceptionnelle. C'est un homme qui est capable de se souvenir absolument de tout. Donc, au début de la nouvelle, il nous présente ça un petit peu comme une chance. Et puis, progressivement, on finit par se rendre compte que cet homme qui se souvient de tout, eh bien, il est incapable de vivre, il est incapable d'agir. Et écrasé par le passé, un passé qui est monumental d'une certaine façon, il est incapable de se projeter dans l'avenir. Et donc, là, ce qu'on peut voir, c'est quelle leçon tirer de l'histoire à partir de ça, quelle leçon tirer du passé. Eh c'est aussi parfois, il faut savoir mettre le passé de côté lorsque celui-ci devient trop pesant, lorsque celui-ci empêche, nous empêche d'agir, nous empêche de nous projeter dans l'avenir.